veux du son qui fasse bouger les têtes de tête. Je veux du son qui fasse rouler des pètes bêtes. Du son chaud, ouais, faut que ça pète pète. Si le sang est chaud, ça va en tête à tête. Je veux du son. Je veux du son, fire, faut que ça caillasse. Au fond ça sente la ya. Oh my, what the fuck, put the mic on fire. Steve represent Toulouse until I die. Je veux du son qui bounce, je veux du son qui pulse. Je veux ton cul secoue pour faire monter ta pub. J, je veux que les meufs se bougent à s'en faire péter. J, fini la bouteille, J, faut qu'on trinque à ça. J, J, je veux pas de leur femme de merde, ni voir brailler des merdes. Je mets le son de A à Z et personne ne m'aide. Et ça paye, hein, rien que ça perce les tympans. Je veux du son d'original, pas de la merde maintenant. Dédicace à ceux qui rappent depuis des années, plan noir ou basané, qui passent en blé, restez vrai. Juste un kick, un cap, le rythme du charlet. Moi j'aime le son simple, la musique d'un charlet. Je veux du son qui fasse bouger les têtes de tête. Je veux du son qui fasse rouler des pètes bêtes. Du son chaud, ouais, faut que ça pète pète. Si le sang est chaud, tête à tête. Je veux du son qui fasse bouger les têtes de tête. Je veux du son qui fasse rouler des pètes bêtes. Du son chaud, ouais, faut que ça pète pète. Si le sang est chaud, tête à tête. Je veux du son qui fasse boum boum dans ta caisse, boum boum dans ta tête, boum boum, je veux t'encaisse, boum boum. Pas du rap de Gogol ni du rap de Tarfiole. Je veux tes enceintes cris, car j'ai le flow qui viole. Musiblo, tenace, original, fireman, syrian, rien à voir avec la danse de Rihanna. C'est du bon, c'est du lourd, c'est de la bombe, c'est fait pour. Moi je te dis que ça vaut des tours, vas-y cousin, fais les tours. Je veux pas que le rap cool, moi j'aime le soul school. En ce moment c'est plus trop frais, il manque l'effet qui est cool. J'ai vous appelez sur leur chaîne, tu ne vois plus Joey et cool. J'ai, tu ne vois plus des chaînes qui méritent des coups de chaîne. Je veux quoi, t'as pas compris mon ton empli. Je veux du son de la tuerie, je veux des salles remplies. Je veux du vrai pas de l'intox, je veux du scratch, du beatbox, de l'utox. Ah ouais, je veux que ça tape comme à la boxe. Je veux du son qui fasse bouger les têtes de tête. Je veux du son qui fasse rouler des pètes bêtes. Du son chaud, ouais, faut que ça pète pète. Si le sang est chaud, tête à tête. Je veux du son qui fasse bouger les têtes de tête. Je veux du son qui fasse rouler des pètes bêtes. Du son chaud, ouais, faut que ça pète pète. Si le sang est chaud, tête à tête. Je veux du son.